إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous sommes au cours numéro 31 des explications des 40 al-Nawawiyya au niveau du hadith numéro 2. Et nous continuons, Inch'Allah, les explications sur le sixième pilier de la foi, qui est l'Iman bil-Qadari, la foi au destin, à la prédestination. Et donc nous avons pu commencer la semaine passée sur ce pilier-là avec les explications de Cheikh Salah Al-Fawzan, et nous continuons, Inch'Allah, donc aujourd'hui, bi-idhnillahi ta'ala. Donc il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, كذلك لا يصيبك الأشر والبطر عند النعم وتتزن في أمورك وترتاح في ضميرك وتعيش في هذه الدنيا عيشة المؤمن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله عز وجل وتعمل وتنتج وتجاهد لأنك تؤمن بالقضاء والقدر وتؤمن أنه لا يحصل شيء إلا بسبب ولا تعطل الأسباب ولكن لا تعتمد على الأسباب أجمع بين الأمرين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. Donc c'est ce que dit le Cheikh Salah Al-Fawzan حفظه الله. Il dit: ne sois pas donc touché par ces mauvais comportements lorsqu'une chose arrive, un malheur qui arrive, ou il faut pas avoir donc ce mauvais comportement là. Mais comment que tu te comportes dans tes conditions et dans tes situations, tu te comportes avec le comportement du croyant, de celui qui croit donc à la prédestination, au destin, c'est-à-dire que tu es apaisé. Yani, ta conscience est tranquille. Tu vis dans ce bas monde la vie du croyant qui place sa confiance en Allah et qui laisse son état que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a tout prédestiné. Mais cependant, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il agit, c'est-à-dire il œuvre. D'accord? Il fait les causes. Il fait les efforts. Parce qu'il est croyant, il croit donc à la prédestination, il croit au destin. Il croit que rien n'arrive excepté par une cause. Et que rien n'est ralenti, ou rien n'est freiné, d'accord, excepté par une cause. Mais tu ne t'en remets pas aux causes. D'accord? C'est ce point-là que le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, donc, insiste. Donc, pour que tu puisses vivre en tant que croyant qui croit à la prédestination, tu sais que tout a été décrété par Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, comme on l'a expliqué dans le cours 30, d'accord, de la semaine passée. Ce qu'il y a, c'est que tu vis en tant que croyant qui croit à la prédestination, au destin, que tu sais que tout a été décrété par Allah Azza wa Jal, mais tu œuvres, d'accord? Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, d'accord? Tu fais des efforts, tu crois en la prédestination, tu crois que rien n'arrive excepté par une cause, tu sais que rien n'est freiné excepté par une cause, ou ralenti excepté par une cause. Mais tu ne t'en remets pas aux causes. Mais tu réunis les deux points. il dit ajma' bayn al-amrayn, réunit donc ces deux points là, l'iman bil qada wal qadar wa fi'l al-asbab ma'a at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu dois réunir entre la foi à la prédestination, la foi au décret d'Allah, et le fait que tu fais les causes tout en plaçant ta confiance en Allah le Très-Haut. Tu dois avoir ces deux points-là réunis. D'accord ? فهذه صفة المؤمن. Ça, c'est l'attribut du croyant. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. Et cela, c'est la croyance à la prédestination au destin. فإن الإيمان بالقضاء والقدر يفيد الإنسان في هذه الحياة. Parce que la croyance à la prédestination, eh bien, bénéficie l'individu dans ce bas monde. Et cela fait que, eh bien, ça fait partir de l'individu, ça fait fuir de l'individu tout ce qui est peur, tout ce qui est insufflation, tout ce qui est toujours avoir peur de que tel malheur ou quoi que ce soit arrive, d'accord ? Parce qu'il a sa croyance, cette croyance-là qui est ferme au décret d'Allah Azza wa Jal, à la prédestination. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يصيب الإنسان بالضعف والوساوس والأوهام. Tandis que celui qui ne croit pas à la prédestination, qui ne croit pas au destin, eh bien, il est touché par la faiblesse, il est touché par les insufflations et il a tout le temps des... il est aussi touché par des hallucinations. Il pense qu'il a peur, qu'il risque d'arriver telle chose, s'il fait telle chose. Donc, souvent, ceux qui sont atteints de cette chose-là, qui est le fait de ne pas croire avec conviction et certitude au destin, au décret d'Allah, à la prédestination, eh bien, comme l'expliquait le Cheikh Salah Al-Fawzan, comme nous l'avons vu la semaine passée, c'est que ce sont des gens, eh bien, qui ne vont pas agir, qui vont tout le temps être freinés. Pourquoi ? Parce qu'il a tout le temps peur que s'il fait telle chose, mais peut-être que ça ne va pas faire. Ou peut-être que, et il ne fait rien. Et il ne fait rien, d'accord ? Donc, ça c'est le cas de celui qui ne croit pas au destin. Qui ne croit pas donc à la prédestination, il est touché par ces insufflations-là, il est touché par cette faiblesse-là. وكل شيء يخيفه فهذا نتيجة عدم الإيمان بالقضاء والقدر. Tout lui fait peur, et cela donc est le résultat de l'absence de foi à la prédestination, l'absence de foi au décret d'Allah Azza wa Jal. ويجب على العبد المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر أن يؤمن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم ليسوا مجبرين عليها فهو يؤمن أو يكفر أو يصلي أو يترك أو يصوم أو يفطر هو الذي يفعل هذا فيثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي لأنها أفعاله. فهو لا يعاقب على القضاء والقدر إنما يعاقب على أفعاله هو التي يفعلها باختياره وإرادته. Donc il dit ici le Cheikh Hafidhahullah, un point ici à souligner, d'accord, il dit il incombe donc au serviteur, au croyant, d'accord, avec la foi qu'il a concernant le destin, le décret d'Allah, la prédestination, et bien qu'il croit que les serviteurs, donc les individus, ont des œuvres qu'ils font de leur propre choix. Ils ne sont pas forcés à les faire. D'accord ? C'est-à-dire que c'est eux, c'est pas, eh bien, ils n'ont aucun choix et puis ils sont forcés à faire telle chose. D'accord ? Non. Ils font les œuvres avec leur choix. Ils ne sont pas forcés à les faire. Ils croient ou bien ils mécroient. Il fait ses salats, il prie, ou bien il les délaisse. Il jeûne, ou bien il refuse de jeûner, il se met à manger. C'est lui qui fait ces œuvres-là. C'est lui qui fait ces œuvres-là. Quelqu'un qui refuse de prier, quelqu'un qui refuse de jeûner, il ne peut pas dire, ouais, ben c'est écrit que... Subhanallah, il refuse de prier, il a fait le choix de refuser de faire les prières ou de refuser de jeûner, yani par exemple le mois de Ramadan, yani ce sont ses œuvres à lui, c'est son choix à lui. D'accord? Donc, c'est lui qui fait ces œuvres-là, et lui, il est récompensé sur ses obéissances vis-à-vis d'Allah Azzawajal, ou bien il est châtié sur ses désobéissances qu'il a eues vis-à-vis d'Allah Azzawajal. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont ses œuvres à lui, à cet individu-là. فهو لا يعاقب على القضاء والقدر إنما يعاقب على أفعاله هو التي يفعلها باختياره وإرادته. C'est ce que dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafizahullah. Il dit, eh bien, l'individu donc est soit récompensé sur ses obéissances vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, soit il est châtié sur ses désobéissances qu'il a eues vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, parce que ce sont ses œuvres à lui. D'accord? Il n'est pas châtié vis-à-vis de la prédestination. D'accord? Il n'est pas châtié vis-à-vis de la prédestination. Mais il est jugé sur les œuvres qu'il fait de son propre choix, d'accord, de sa décision à lui. فهو يقدر على أن يقوم ليصلي الفجر ويقدر أن ينام ويترك صلاة الفجر. Donc l'individu lui, eh bien il peut se lever pour prier la salat du Fajr, tout comme il peut dormir et délaisser la prière du Fajr. D'accord? Là, c'est son choix, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Yaqdiru an yasum Ramadan, wa yaqdiru an yatruk siyam Ramadan. Lui, il peut jeûner le mois de Ramadan, ou il peut délaisser le jeûne du mois de Ramadan. Wa yaqdiru an yamna'a nafsahu min al-fawahish. Tout comme il peut empêcher son fort intérieur, son âme, à commettre des péchés et des actes mauvais, d'accord? Tout comme il a la possibilité, le choix de laisser son âme à commettre ces péchés-là, d'accord? À être dans ces péchés-là. Kullu shay huwa yaqdiru alayhi bi mashi'atihi wa iradatihi. Tout, eh bien, il peut, il a la possibilité, la capacité, d'accord? Il a la possibilité, donc, de faire telle ou telle chose, de par sa volonté à lui et son choix à lui. Wallahu a'tahu al-irada. Et Allah le Très-Haut lui a donné la volonté. D'accord? وَأَعْتَاهُ الْمَشِيَةَ. Donc, il lui a donné le fait qu'il ait le choix. وَأَعْتَاهُ الْإِخْتِيَارَ أَنْ يَفْعَلْ أَوْ لَا يَفْعَلْ. Il lui a donné, Allah Azza wa Jalla, le choix. Il lui a donné, donc, la volonté. Il lui a donné le choix de faire ou de ne pas faire. Allah Azza wa Jalla lui a donné le choix de faire ou de ne pas faire. وَلِذَلِكَ الْمُكْرَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِخْتِيَارٌ. Vous voyez ce qu'il indique ici le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafizahullah, il dit, eh bien ici, c'est pour cela que celui qui est forcé à faire quelque chose, d'accord, tandis que lui, il n'aime pas cette chose-là. On l'a forcé à le faire, mais lui ne le voulait pas. De son fort intérieur, dans son âme, il ne voulait pas faire telle chose, mais on l'a forcé. D'accord? Eh bien lui, il n'est pas châtié pour ce qu'il a été forcé de faire, tout en ayant au fond de lui le fait qu'il ne voulait pas faire cela, mais on l'a forcé. D'accord? Pourquoi? Parce que dans cette condition-là, dans ce cas-là, cet individu-là n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, on l'a forcé. كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ. Tout comme l'enfant qui n'est pas mature, eh bien cela ne peut pas être châtié sur ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore de choix. Il ne sait pas distinguer entre le bien et le mauvais. Il ne sait pas choisir. D'accord? Donc il n'a pas de choix. Donc, jusqu'à ce qu'il atteint donc la maturité, qu'il puisse distinguer entre le bien et le mal. فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِهَذَا. D'accord? فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِهَذَا. Je pense que j'ai المكره ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار وكذلك il a mentionné aussi le Cheikh Salah Al-Fawzan حفظه الله وكذلك المجنون ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار tout comme celui qui a perdu la raison eh bien il n'est pas châtié pour les actes qu'il fait pendant qu'il n'a pas la raison pourquoi parce qu'il n'a pas ce choix là qu'il puisse qu'il n'a pas la capacité de distinguer entre eux, parce qu'il n'a pas sa raison, de distinguer entre le bien et le mauvais. Donc il n'a pas ce choix-là. Donc il ne peut pas être châtié. D'accord ? Et c'est pareil, donc et ensuite il mentionnait « Kadhal Kassabi », donc ce que j'ai mentionné tout à l'heure, tout comme l'enfant qui n'a pas atteint la maturité, qui ne distingue pas entre le bien et le mauvais, il n'a pas le choix, donc il n'est pas châtié sur ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il atteint la maturité. « Fala budda min al-iman bihada » أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة ولهم مشيئة. Donc il est indispensable qu'avec la foi, d'accord? يعني فلا بد من الإيمان qu'il y a dans la foi en la prédestination, qu'il y a dans la foi au décret d'Allah, d'accord? Que tout a été décrété par Allah Azza wa Jal, d'accord? Que tu crois que le serviteur a donc des œuvres. D'accord? Qu'il a un choix. D'accord? وَلَهُمْ إِرَادَ وَلَهُمْ مَشِيَةَ لَكَمَ تَقُولُ الْجَبْرِيَةَ Donc, tu dois croire que le serviteur a un choix. Il peut prendre des décisions, il a une volonté. D'accord? Mais ce n'est pas comme le dit la Jabriya. D'accord? Allah Azza wa Jal a attesté que le serviteur a une volonté. D'accord ? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Et vous ne voudrez que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. D'accord ? Donc, le serviteur a une volonté. Il a la possibilité de faire le choix. Il œuvre. C'est lui, lorsqu'il œuvre, ce sont ses décisions à lui qu'il a œuvré. D'accord ? Celui qui ne, comme l'exemple qu'il avait donné le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah, celui qui ne veut pas se lever pour prier la prière du Fajr, il veut dormir. D'accord ? C'est son choix à lui. C'est son choix à lui. Donc lui, il se fera juger sur le choix qu'il a pris. D'accord ? Tandis que celui qui veut avoir la récompense de la prière en groupe, la récompense de tout ce qu'il y a dans la salette, eh bien, c'est son choix à lui qu'il a eu de se lever. D'accord ? Donc, le croyant, avec la croyance au décret d'Allah Azza wa Jal, la croyance à la prédestination, il doit croire que l'individu a des œuvres, qu'il a un choix, qu'il a une volonté. Ce n'est pas comme la Jabriya le dit. Donc, le Jabriya, d'accord ? Donc ça c'est la notation qu'il y a eu. Le Jabr, huwa nafi al-fi'l, haqiqa an al-abd. وإضافته إلى الرب تعالى والجبرية أصناف d'accord donc le jabr c'est quoi c'est le fait de d'invalider toute œuvre de l'individu d'invalider toute œuvre de l'individu d'accord eux la jabriya ils affirment que le serviteur est contraint dans ses faits et gestes. Il est contraint, d'accord ? Et qu'il n'a aucun acte propre, ni choix, ni libre arbitre, d'accord ? Il est semblable, comme eux ils disent, les Jabri, ils disent quoi ? Il est comme une plume qui se déplace au gré du vent. Il n'a pas de détermination, d'accord ? Ceux-là, ce sont les Jabri, qui sont à l'antipode d'une autre secte qui est la Qadariya, d'accord ? Que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc il dit le Cheikh Hafidhahullah, la kama taqulu al-jabriya. Donc l'individu, il croit au décret, à la prédestination, il croit également que l'individu a une volonté, a un choix, prend des décisions, d'accord ? Et ce n'est pas donc comme le dit la jabriya. Inna al-ibad mujbaruna wa muharrakuna faqat, laysa lahum ikhtiyar. Ce que dit la jabriya, qu'ils sont forcés, ils sont contraints, d'accord ? Et ils sont, yani, Ils sont comme l'exemple de la plume, hein, qui se déplace au gré du vent. Ils n'ont pas de détermination. Ils sont, yani, c'est pas eux qui font leur propre choix, d'accord? Ils se font bouger, etc. Donc, ils sont contraints et ils n'ont aucun choix, d'accord? Et ce n'est pas également comme le dit les Mu'tazila. Inna Allah laysa lahu qada wa qadar. A'oudhu billah. Donc ce n'est pas comme le disent les Mu'tazila, c'est une autre secte égarée, qui disent que Allah Azza wa Jal n'a pas décrété, d'accord, et il n'y a pas de prédestination. Wa innama al-ibad يستقلون بأفعالهم وهم الذين يخلقون أفعالهم بقدرتهم ليس بإرادة الله ولا بقضاء الله وقدره. Donc les Mu'tazila, eux, ils disent donc qu'Allah Azza wa Jal n'a pas décrété et que ce sont les individus, que ce sont eux qui créent leurs propres œuvres avec, d'accord, avec, yani, leurs moyens à eux. Ils créent leurs propres œuvres. Donc, Allah Azza wa Jal ne sait pas des œuvres de l'individu jusqu'à ce qu'il les fait. D'accord? Ils créent leurs propres œuvres. Donc, et c'est sans la volonté d'Allah, sans le décret d'Allah. D'accord? فَالْمُعْتَزِلَ وَالْجَبْرِيَّ عَلَى طَرَفَيْ نَقِيدٍ. Donc les Mu'tazila et les Jabriya sont aux antipodes. أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُمْ مُعْتَدِلُونَ فِي هَذَا يَقُولُونَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعِبَادَ الْإِخْتِيَارَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ وَالْقُدْرَةَ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ. قَالَ تَعَالَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَهَذَا فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْجَبْرِيَّةِ الَّذِينَ يَنْفُونَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ وَإِخْتِيَارِهِمْ وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُوَ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Ensuite, le cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, il dit: tandis que les gens de la sunna et du consensus, eh bien, ils sont sur le juste milieu concernant le décret d'Allah et la prédestination. Ils disent, les gens de la sunna et du consensus, Allah le Très-Haut a décrété les choses. Mais Allah le Très-Haut a donné à l'individu le choix et la volonté et le moyen d'agir ou de délaisser. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et c'est pour cela qu'il dit le cher Salah al-Fawzan, hafidhahullah, et dans cela, il y a une réfutation, une réponse au Jabriya qui invalide les œuvres de l'individu et qui invalide le choix qu'ont les individus en disant qu'ils n'ont pas de choix et que ce n'est pas eux qui œuvrent, mais ils sont contraints. Eh bien, ces versets-là de Sourate, d'accord, Sourate Al-Layl, eh bien, c'est une réfutation au Jabriya. Puisqu'Allah Azza wa Jal a bien mentionné dans la traduction du sens, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. D'accord? Et d'ailleurs, L'imam Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir concernant ce verset, a dit: وَصَدَّقَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَزَاءِ فَسَنُرْشِدُهُ وَنُوَفِّقُهُ إِلَى أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَنُيَسِّرُ لَهُ أُمُورُهُ. Donc il disait, l'imam Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, il disait que celui qui a cru en la ilaha illallah, en nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Et que tout ce qui prouve cette attestation de foi et tout ce qu'implique cette attestation de foi concernant la récompense, eh bien Allah Azza wa Jal lui montrera et lui donnera les causes du bien. D'accord ? Lui cause du bien et lui facilitera donc la voie dans cela. D'accord ? La voie donc au plus grand bonheur. Et donc c'est pour cela qu'il dit le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, voilà une réfutation jabriya. D'accord ? Par ces versets de Surat al-Layl, que eh bien, les individus œuvrent, ont un choix. Ils font les efforts. Ce sont eux qui donnent, ou celui qui veut être avare, vous voyez ? Soit il donne, soit il délaisse, soit. Donc, وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُوَ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Tandis que ceux sur quoi sont les gens de la sunna et du consensus, d'accord ? Eh bien, c'est ce qui est dans le Coran et la sunna. وَهُوَ لِعْتِدَلْ بَيْنَ الْجَبْرِيَّ وَالْقَدَرِيَّةِ. Et donc, les gens de la sunna et du consensus sont sur le juste milieu. Sur le juste milieu entre les Jabriya et les Qadariya qui sont aux extrêmes. D'accord ? فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ بِجَمِيعَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ. Donc il est indispensable de croire, d'avoir cette foi-là. Il est obligatoire d'avoir cette foi-là au destin avec tous les niveaux qu'il y a dans la foi. D'accord ? Que l'on a déjà vu la semaine passée et ce que le cheikh Salah al-Fawzan a mentionné que l'on voit, que l'on a vu yani, tout à l'heure. Tout ce que implique la foi au destin. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا قَدَرٍ وَأَنَّ الْعِبَادِ هُمُ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ أَفْعَالَهُمْ دُونَ قَدَرِ اللَّهِ كَالْمُعْتَزِلَةِ فَهَذَا إِنْ كَانَ مُتَبَنِّيًا لِهَذَا الرَّأْيِ وَهُوَ يَعْلَمُ الْأَدِلَّةِ وَلَكِنَّهُ يُنْكِرُهَا وَيَأْخُذُ بِرَأْيِهِ فَهَذَا كَافِرٌ بِلَا شَكٍّ. أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له فإن أصر على الكفر بالقدر فإنه يحكم بكفره لكن إن كان جاهلا أو كان مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر وإنما يبين له ويشرح له الأمر فإن رجع فالحمد لله وإن أصر فإنه يكون كافرا. Donc il dit, le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhullah, il dit, et donc il est indispensable d'avoir la foi donc au destin avec tout ce qu'implique la foi à la prédestination, donc au destin. Quiconque prétend qu'il n'y a pas de destin, d'accord, et que les individus, ce sont eux qui créent leurs propres œuvres sans la prédestination d'Allah, les très hauts, comme le disent les Mu'tazila, eh bien, si cet individu qui prétend cela, eh bien, a accepté ce genre de croyance, et tout en connaissant, donc il a accepté ce genre d'opinion, tout en connaissant les preuves, mais il renie ces preuves-là, en ne prenant que sa propre opinion, eh bien cet individu est un mécréant sans aucun doute. Celui donc qui croit à la croyance des Mu'tazila. C'est-à-dire que les individus créent leurs propres œuvres et qu'il aime cette opinion-là. Il l'a, et malgré qu'il connaît toutes les preuves. D'accord ? Et il prétend malgré cela que ce sont les individus qui créent leurs propres œuvres, tout en connaissant les preuves, mais il préfère s'accrocher à son opinion, et bien cet individu-là est un mécréant sans aucun doute. Mais si c'est un suiveur, ceux qui suivent comme ça, aveuglément comme ça, ou bien un ignorant, eh bien, pour ce genre d'individus-là, eh bien, il faut leur clarifier. Il faut leur clarifier. Mais s'ils insistent sur la mécréance au destin, qu'ils ne croient pas au destin, alors, s'ils insistent sur cela, alors, il est jugé comme étant un mécréant. Mais si c'est un ignorant ou bien un suiveur, on ne le rend pas mécréant dès le départ. Mais on doit lui clarifier et lui expliquer la situation. S'il revient, alors alhamdoulilah, mais s'il persiste, alors il devient un mécréant. وَلَا يَكْفِي أَن تُؤْمِنْ بِالْقَدَى وَالْقَدَرِ Il n'est pas suffisant que tu crois donc à la prédestination, au destin. C'est pas suffisant que tu ne crois qu'à cela. D'accord ? بَلْ لَابُدَّ أَن تَعْمَلْ وَلَا تَتَّكِلْ عَلَى الْقَدَى وَالْقَدَرِ Mais il est obligatoire que tu œuvres et que tu ne t'en remets pas qu'au destin. وَتَقُولْ إِنْ قَدَّرَ اللَّهُ لِي فَسَيَحْصُلْ وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلْ Donc, faut pas que tu ne t'en remettes qu'au destin, qu'à la prédestination, mais tu dois œuvrer. Tu ne dois pas dire, eh bien, si Allah a décrété cela, eh bien, ça va arriver, et puis s'il n'a pas décrété, ça n'arrivera pas, en te tenant qu'à cela. D'accord ? وَلَا حَاجَ إِلَى الْعَمَلْ En te disant, eh bien, il n'y a pas besoin d'agir. D'accord ? Si Allah Azza wa Jalla a décrété, voilà, ça va arriver. S'il n'a pas décrété, ça n'arriverait pas, donc. Et qu'il n'y a pas besoin d'agir. Donc, il ne faut pas, donc, dire cela et s'en tenir à cela. D'accord ? كَمَا يَقُولُهُ الْجَبْرِيَّ Comme le disent les Jabriyas. Qui, eux, pensent que les individus, donc, sont contraints à agir. Ils n'ont pas besoin d'œuvrer, mais sont contraints à agir. أعوذ بالله. فَهَذَا بَاطِلْ Cela est faux. لِيَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِاتِّخَاذِ الْأَسْبَابِ Car Allah, le Très-Haut, a ordonné à ce que l'on prenne les causes. وَأَمَرَ بِالْعَمَلِ Il a ordonné à ce que l'on œuvre. وَأَمَرَ بِالسَّعْيِ فِي تَعَةِ اللَّهِ Et il a ordonné à ce que l'on fasse des efforts dans l'obéissance à Allah. وَلَا يَتَّكِلُ الْإِنسَانَ عَلَى الْقَضَى وَالْقَدَرِ Et que l'individu ne s'en remet pas uniquement à la prédestination au décret d'Allah. وَإِنَّمَا يَعْمَلُ وَيَتَحَرَّكُ وَيَطْلُبُ الْخَيْرِ وَيَتْرُكُ الشَّرِ وَهُوَ لَا يُجَازَ عَنِ الْقَضَى وَالْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُجَازَ عَلَى عَمَلِهِ وَعَلَى كَدَّهِ وَكَسْبِهِ وَعَلَى إِرَادَتِهِ وَنِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ فَهُوَ يُحَاسَبُ عَلَى أَعْمَالِهِ وَيُجَازَ عَلَى أَعْمَالِهِ فَإِنْ كَانَتْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ كَانَتْ شَرًّا فَشَرٌّ Donc l'individu ne doit pas s'en remettre uniquement au décret à la prédestination, mais il se doit donc d'œuvrer, d'agir, de bouger, de demander le bien, de délaisser le mal. Il n'est pas rétribué sur la prédestination, mais il est rétribué en fonction de ses œuvres, et sur ce qu'il va obtenir, et sur ses choix, sa volonté, son intention et son but. Donc il est jugé sur ses œuvres et il est rétribué en fonction de ses œuvres. Si elles sont bonnes, alors c'est un bien et si elles sont mauvaises, alors c'est un mal. هذه هي أركان الإيمان وأركان الإسلام والإسلام والإيمان مرتبتان عظيمتان من مراتب الدين فإذا اجتمع بأن ذكر الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال القلب كما في هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه وكما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Donc ensuite, enfin le cheikh il dit, Hafizahullah, il dit, ceux-là sont les piliers de la foi et les piliers de l'islam, donc on avait vu dans les cours précédents. Et l'islam et la foi sont deux niveaux, sont deux importants niveaux de la religion. S'ils sont réunis, c'est-à-dire que c'est mentionné l'islam et la foi, et l'iman, alors l'islam est expliqué comme étant les œuvres apparentes, et la foi est expliquée comme étant les œuvres du cœur. Comme nous avons vu donc dans ce hadith-là de Omar, radiallahu anhu, et comme dans la parole d'Allah, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. Bon, ça on l'avait vu déjà hein, dans le détail dans les premiers cours, lorsqu'on avait parlé sur l'islam, sur l'iman, d'accord? Ça on l'avait bien détaillé avec les explications des différents mashayikhs, d'accord? Donc je vais terminer, Inch'Allah, sur ce point-là, et puis comme ça on pourra, la semaine prochaine, Inch'Allah, donc terminer donc ce hadith numéro 2 de Jibril, alayhi salam. Donc il dit, le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, il dit « Amma idha dhukira haduhuma wahdahu dakhala fihi al-akhir » Si l'islam est mentionné seul, eh bien, l'autre Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, akhi Bakran. Comment on comprend le hadith « Inna al-a'mal bin-niyat » quand on dit que le jugement est selon les œuvres. D'accord ? Les actes ne valent que par leurs intentions. Ça, on l'avait expliqué dans... c'est le hadith numéro 1 qu'on avait déjà expliqué dans les premiers cours des explications des 40 Nawawiyya qu'on avait fait. Les actes ne valent que par leurs intentions. Que par leurs intentions. D'accord ? Donc, c'est pas... effectivement... Le jugement est selon les œuvres. Le jugement est selon les œuvres. Mais pour que l'œuvre soit correcte, il faut que l'intention, soit conforme. Il faut que l'intention soit conforme. Tu peux pas dire que mon intention c'est de faire du bien. Et ton intention c'est de faire du bien. Mon intention c'est d'aider un pauvre. Mais l'œuvre que tu vas faire c'est voler l'argent des riches. Donc tu peux pas dire que mon intention elle était bonne. Et que tu fais une œuvre qui est mauvaise. Tu vas dire, je vais voler l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Non, c'est-à-dire que l'intention et l'œuvre que tu fais, eh bien, elles doivent être conformes. D'accord ? Si tu dis que ton intention est bonne, alors l'œuvre que tu fais, d'accord, doit découler de... L'œuvre que tu fais qui doit avoir les conditions d'acceptation des œuvres, déjà, sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as l'intention de faire cette œuvre-là. Donc tu es rétribué en fonction de ton intention pour l'œuvre que tu as faite. Parce que tu peux avoir la bonne intention, mais tu ne peux pas faire cette œuvre-là. Par exemple, tu veux aider un frère, tu sais que tu te rappelles du hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu vas aider un frère à porter quelque chose, tu aides ce frère-là, eh bien c'est une sadaqa. Toi, tu as eu cette intention-là. Tu as voulu l'aider, mais il s'avérait que tu n'as pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas pu te rendre chez ce frère-là, ou tu n'as pas pu le voir, ou ce frère-là qui voulait faire telle chose, eh bien, a annulé de faire cette chose-là. D'accord ? Donc toi, tu as eu cette intention-là, malgré que tu ne l'as pas faite, tu es récompensé pour le bien que, que tu as voulu faire, Inch'Allah. D'accord ? Donc, c'est pour cela que qu'on comprend donc le hadith. Et puis, je l'avais détaillé le hadith là avec les explications des différents mashayikhs sur les actes ne valent que par leurs intentions. Les actes ne valent que par leurs intentions. D'accord ? Parce que l'intention, c'est une œuvre du cœur. Barakallahu fik. Donc, il dit le shaykh que l'islam, ça on l'avait vu dans le détail, c'est pour ça que je vais passer un peu plus vite, Inch'Allah. On l'avait très détaillé, on avait passé beaucoup de cours sur cela. Amma idha dhukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al-akhir. Si l'islam est mentionné seul, ou l'iman est mentionné seul, eh bien l'un, d'accord, rentre dans l'autre. Fa idha dhukira al-islam wahdahu dakhala fihi al-iman. Si l'islam est mentionné seul, eh bien cela implique également la foi. لأنه لا يكون إسلاما صحيحا إلا بالإيمان. Car l'islam correct n'est possible qu'avec la foi. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. لأنه لا يكون إيمانا صحيحا إلا بالإسلام. Et si la foi, l'iman est mentionné seul, alors est impliqué avec l'islam. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de foi correcte sans islam. فَلَبُدَّ مِنْ اِجْتِمَعَ الْأَمْرَيْنِ Donc, il est important que les deux points, la foi et l'islam, donc, sont réunis. وَلَا يَنْفَعُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْأَخِرِ L'un sans l'autre n'est pas bénéfique à l'individu. Fala islam biduna iman. Il n'y a pas d'islam sans foi. Wala iman biduna islam. Il n'y a pas de foi sans islam. Yani la takfi al-a'mal al-zahira an al-a'mal al-qalb. An a'mal al-qalb. C'est-à-dire que les œuvres apparentes ne sont pas suffisantes, d'accord ? Ne sont pas suffisantes sans les œuvres du cœur. Wala takfi a'mal al-qalb an al-a'mal al-zahira. Et les œuvres, yani du cœur, ne sont pas suffisantes sans les œuvres apparentes. D'accord ? ومن ثم قال العلماء إن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترق في المعنى فيفسر الإسلام بكذا ويفسر الإيمان بكذا وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. C'est pour cela qu'il dit le cheikh حفظه الله que c'est pour cela que les savants ont dit que l'islam et l'iman, l'islam et la foi, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, eh bien ils ont des sens différents. D'accord ? Et on dit donc que l'islam donc réfère aux œuvres apparentes et que l'iman, la foi, réfère aux œuvres du cœur. Mais on avait détaillé hein, qu'il y avait également des œuvres du cœur dans les piliers de l'islam. D'accord ? Je vous invite à retourner, Inch'Allah, sur les cours précédents, Inch'Allah, pour plus de détails. D'accord ? وَإِذَا ذُكِرَ أَحَدُهُمَ فَقَدْ دَخَلَ فِهِ الْآخَرَ Si l'islam est mentionné seul, où l'iman est mentionné seul, eh bien l'iman et l'islam, donc yani l'islam signifie yani l'islam mentionné seul, eh bien inclut également l'iman et l'iman en mentionné seul inclut également l'islam. D'accord ? Et on avait vu également dans les cours précédents sur l'individu qui commet donc des péchés majeurs. D'accord ? L'individu qui commet des péchés majeurs, ça on l'avait vu avec les explications de Cheikh Mohammed Aman el-Jami, rahimallah, un très grand savant de la sunna, qu'Allah ait miséricorde sur lui, lorsqu'on avait expliqué les différents ahadiths, d'accord, dont les chiens de l'enfer, les khawarij, sont tombés et yani dans des équivoques en expliquant les ahadiths selon leurs propres raisons et non en revenant donc à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. D'où leur égarement évident. D'accord ? Donc on va s'arrêter, Inch'Allah, sur ce point-là. Inch'Allah. Mais je peux, Inch'Allah, vous rafraîchir très rapidement concernant celui qui a commis un péché majeur. Celui qui a commis un péché majeur. Subhanallah. C'est pour cela qu'il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah wa ya'ti hina idhin hukmu murtakib al-kabira min kaba'ir adh-dhunub allati hiya dun ash-shirk hal yuqalu lah muslim aw yuqalu lah mu'min aw la yuqalu muslim wa la mu'min. Donc il dit ici le Cheikh ici pose une question. Il dit alors vient ici le jugement concernant celui qui commet un péché majeur. On va terminer avec ce point-là, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, celui qui commet un péché majeur, en dehors, bien sûr, de l'associationnisme qui exclut l'islam, d'accord ? Celui qui commet un péché majeur, est-ce que on lui dit que c'est un musulman ou est-ce qu'on dit que c'est un croyant ? Ou est-ce qu'on dit musulman mais pas croyant ? Donc il dit, le Cheikh Hafidhullah, il dit « Ahlu sunna wal jama'a wal madhhab al haq anna murtakib al kabira lati duna al shirk yuqalu lah mu'min lakinnahu naqis al iman. Fal iman yazid bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah kama dallat ala dhalika al adilla qala ta'ala innama al mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد وليس هو شيء واحد قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي حتى يصل إلى مثقال ذرة كما في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. وفي الحديث أيضا: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. Donc on va s'arrêter sur ce point-là, inshallah, barakallahu fikum. Il dit le Cheikh Hafidhahullah, donc ce sont des points qu'on avait déjà revus dans le détail. Il dit: concernant celui qui commet un péché majeur en dehors de l'associationnisme, est-ce qu'on lui dit que c'est un musulman, ou bien est-ce qu'on dit que c'est un croyant, ou est-ce qu'on dit que c'est un musulman mais pas un croyant? Il dit: les gens de la sunna et du consensus, ceux qui sont sur la voie de la vérité, considèrent que celui qui commet un péché majeur en dehors de l'associationnisme, on dit que c'est un croyant, mais qui est avec une foi moindre. D'accord ? Car la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. Comme cela est prouvé donc dans les différents versets qu'il a mentionnés de Sourate Al-Anfal, qu'on avait déjà vu, et Sourate Al-Muddathir. D'accord ? Que les croyants sont ceux que lorsque Allah est mentionné, eh bien, leur cœur est apaisé. Yani, ils ont une crainte pieuse, d'accord? Et lorsque les versets d'Allah sont récités, eh bien, cela leur fait augmenter la foi. Donc, verset 2 de Sourate Al-Anfal, d'accord? Cela prouve que la foi augmente. D'accord ? La foi augmente, la foi diminue. Elle augmente avec l'obéissance à Allah, avec les bonnes œuvres, et diminue avec les péchés et les désobéissances à Allah. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de stable. Ce n'est pas quelque chose, d'accord, de stable, de fixe, comme le pense la secte des Maturidiyya, qui croit que la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est stable. Allah le Très-Haut a dit, et que ceux qui ont la foi augmente en foi. D'accord ? Et Allah Azza wa Jalla a dit, dans la traduction des sens, hein, des versets bien sûr que je cite, et Allah augmente en guider ceux qui sont guidés. Donc la foi augmente avec l'obéissance, diminue avec les péchés, jusqu'à atteindre, d'accord, le poids d'un atome. Comme dans le hadith concernant ordonner le convenable et interdire le blâmable, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc s'il ne peut pas, eh bien, qu'il le déteste avec son cœur, yani le fait que, eh bien, si on se rappelle de ce hadith-là, eh bien, qu'il le fasse avec la main, s'il ne peut pas avec la langue, et s'il ne peut pas, eh bien, avec son cœur. D'accord ? Et cela, c'est le plus bas niveau de foi. Donc cela montre, il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah, que la foi peut être faible. D'accord ? Et que la foi peut être forte. D'accord ? Et également dans le hadith, l'Iman, donc dans un autre hadith, que la foi a 70 ou 60, une soixantaine, une soixantaine de branches. La plus haute, c'est la parole « La ilaha illallah ». Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Et le plus bas, c'est le fait d'enlever ce qui gêne du chemin. D'accord ? Et que la pudeur est une des parties de la foi, est une des branches de la foi. Donc cela prouve que la foi, eh bien, il y a des hauts niveaux de foi et des bas niveaux de foi. D'accord ? Et cela est à l'opposé des murji'a, d'accord ? Qui disent également que la foi n'augmente pas, elle ne diminue pas. D'accord ? Donc, barakallahu fikum, comme ça, inshallah, on va essayer de terminer, bi'idhnillah, ce hadith-là, bi'idhnillah, la semaine prochaine. Jazakum Allah khair pour votre patience et votre attention. Subhanakallahum bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.